Avec 4 bâtons, mon papy c'est Elon Musk. Sauf qu'il nique pas le plafond et que sa viande tient dans 4 cartons. On fait du rap et du biz parce qu'on veut pas de patron. J'aurais toujours des merci, des s'il vous plaît, mais pour eux j'ai pas de pardon. Je regarde en l'air, en ce moment y'a pas de plafond. Ce soir elle a pas de talons, elle est belle comme elle en a envie. Rappelle-toi de ceux qui vont te dire que t'as pas de talent. On les baise, on les nique, on les croise, on fait cheese. S'ils veulent des nouvelles, bah ils parlent à mes streams, bah ouais, tous mes gars ils sourient plus fort. Elle est là, la magie du Nord. On mange une crêpe, on écoute les vagues. On regarde les lumières du port. Tous mes gars ils sourient plus grand. Ils sont pas avec moi parce que j'ai de l'oseille. J'en ai pas beaucoup plus qu'avant. Mais ça va quand même mieux qu'à l'époque où j'avais la flemme. Mieux qu'à l'époque où j'avais la Play 2. Qu'à l'époque où je pensais pas vivre vieux. À l'époque où j'avais la haine. À l'époque où j'avais la haine en DVD. Un téléviseur tout déréglé. Encore des idoles, pas des CD. Le silence après le RIP. C'est plus fort que le bruit. J'suis comme mon frangin de Roubaix. Plus fort que l'orage, plus fort que la pluie. Dans mon gobelet y'a pas de pills. Dans mon couplet y'a pas de big flop. J'suis traumatisé par le manque. Dans mon couplet y'a pas de rime pauvre. Elle veut qu'on se mette la bague au doigt. Elle a envie, elle a le droit. Moi j'ai peur et j'ai le droit. Elle me demande on fait quoi. J'ai vu mes parents se déchirer devant moi. Si je tombe et je retombe y'a pas de 203. Défoncer les yeux en croix. J'suis défoncé les yeux en croix. Il faut que tu crois en toi, moi. Il faut que je crois en moi. Mais ça va quand même mieux qu'à l'époque où j'avais la flemme. Mieux qu'à l'époque où j'avais la Play 2. Qu'à l'époque où je pensais pas vivre vieux. À l'époque où j'avais la haine. À l'époque où j'avais la haine en DVD. Un téléviseur tout déréglé. Encore des idoles, pas des CD. Le silence après le RIP.